356e chapitre. Libre. Ouf ! S'écria le Parisien. Nous voilà encore une fois hors de danger. Ah, c'est égal. Nous pouvons dire que nous l'avons échappé belle, et je vous avouerai que je n'en menais pas large dans cette affreuse cabane, en face de ce brasero sur le feu, duquel on s'apprêtait à nous rôtir la plante des pieds. Moi, dit Francis, j'étais persuadé que nous ne nous tirerions pas de cette nouvelle aventure. « Et cependant, fit Monsieur Voirin en souriant, tu n'as pas faibli un seul instant. Tu as été merveilleux de courage. »« Dame, fit l'apprenti, on arrive à se familiariser avec le danger. Nous en avons tant vu depuis quelques jours. »« Oui, appuya Fabien. On peut dire que nous en avons vu de toutes les couleurs. » « Mais je crois que nous sommes au bout de nos tourments. »« Qui sait ? » fit Monsieur Voirin. « Vous croyez, patron, qu'il pourrait encore nous arriver une vilaine aventure ?»« On ne peut jamais savoir. Nous sommes toujours à la merci d'une panne. »« Ah, si notre moteur ne nous jouait plus de tour, je pourrais presque affirmer que nous sommes hors de péril. »« Moi, dit Fabien, je voudrais bien être à New York. » Une fois là, il me semble que je commencerai à respirer plus librement. Si nous n'avons pas de panne, nous ne tarderons pas à y arriver. Il y eut un silence, puis Fabien reprit. « Et Steiner ?»« Le bandit ne reparaîtra pas, » répondit Monsieur Voirin. « Alors, vous croyez que les Indiens l'ont supprimé ?»« J'en suis presque sûr. » Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi ? Je ne saurais le dire, mais j'ai comme le pressentiment que Steiner se tirera encore d'affaire. Cet homme a le diable au corps. Le jour s'était levé. On voguait au-dessus du territoire du Nord-Ouest, dont le sol appartient, pour ainsi dire, à la compagnie de l'Hudson. Tout le commerce du Nord et d'une partie de l'Ouest est monopolisé par cette société. Quoique le mouvement des échanges soit déclaré libre et que le premier venu puisse, en vertu de la loi, traiter avec les Indiens, ce droit théorique, dit Élisée Reclus, ne tente personne. Il ne saurait entrer dans la fantaisie d'aucun spéculateur riche ou pauvre d'entrer en concurrence avec une association de capitalistes qui, de génération en génération, s'est assujettie tous les chasseurs sur un espace six fois vaste comme la France. La compagnie ignore également les divisions administratives et son territoire est partagé en districts, non d'après les degrés de longitude et de latitude, mais d'après l'abondance et l'espèce du gibier. Chaque district a sa capitale, c'est-à-dire un comptoir ou fort de traite, groupe de trois ou quatre constructions en bois, entouré par une palissade en carré de 5 à 6 mètres de hauteur. La plupart des forts n'ayant de militaire que le nom, les palissades ne sont même pas garnies de meurtrières et des canons n'arment point les tourelles carrées des angles. Mais dans les endroits où le caractère des indigènes inspire quelques craintes, les postes sont mis en état de défense. Des facteurs en chef et des traiteurs en chef sont les agents principaux et prélèvent leur part proportionnelle sur les bénéfices. L'ensemble des employés de toute race, des allants et venants, des hivernants et des « mangeurs de l'art », comme on les appelait au siècle dernier, sans compter les chasseurs indiens, s'élevaient en 1885 à un millier d'hommes environ, anglais, écossais, acadiens, anglo-saxons ou français. Mais les métis franco-canadiens dominent et leur langue prévaut encore. Quant aux blancs de race pure, ils ne sont représentés que par des facteurs en chef et par les missionnaires, au nombre de 25 à 30. Les chasseurs métis ou indiens qu'emploie la compagnie sont des hommes qui ont peu d'égo dans le monde pour la force, l'adresse, la résistance au froid et à la fatigue, la présence d'esprit en face du danger. Dans la forêt, il faut qu'ils devinent le chemin plaqué par leur devancier, la sente de l'ours ou du caribou. Sous la neige, ils ont à retrouver le lichen que viendra paître le bœuf musqué. Dans la plaine déboisée, ils découvrent quand même du combustible, branchilles, racines ou mousses. Ils se guident sûrement à travers un labyrinthe de dunes ou de rochers et en devinent l'issue. Perdus dans le dédale d'un lac aux innombrables baies, ils reconnaissent au profil de l'horizon en quel endroit se trouve la vallée de l'affluent et dirigent leur barque vers le courant de sortie. En hiver, pendant la longue nuit, suivis par les ours ou les loups, ils orientent leur route d'après les étoiles. Pour établir leur feu, ils creusent un trou dans la neige, puis à côté un autre trou où ils se blottissent, enfermés dans leur sac de peau, parfois recouverts en entier par le poudrin pendant les tourmentes. Quand ils sont associés par petits groupes, ils peuvent s'entraider. Mais parfois ils se trouvent seuls et leur vie devient alors une lutte de chaque instant contre la mort. Qu'ils se trompent de route et ne reconnaissent pas dans la forêt ou la lande le signe indicateur laissé par d'autres chasseurs, qu'ils se blessent en butant contre un rocher, qu'ils cèdent à la fatigue en transportant leur canot d'écorce autour d'une cascade, qu'ils donnent un faux coup d'aviron au passage d'un rapide ou bien qu'ils perdent leurs munitions en manquant le gibier et leur existence est en péril imminent.